agirifocus.com, votre devoir de savoir, notre devoir de vous informer. Juste, on va te demander ton prénom. C'est monsieur Abi Ayad Mohamed Amin. T'as quel âge ? 28 ans. 28 ans. Ok. Alors, quand est-ce que t'es parti ? Bon, la date précise, elle est exacte, c'est en novembre. Le mois. L'hiver, oui. En novembre 2006. Comment ça s'est passé? C'était... On a organisé avec mes amis. Avec combien d'amis? Quatre. C'est moi le quatrième. On est parti chez un autre ami. Qui fait goulot. Le français, je suis à... Parce qu'il n'arrive pas à parler en français, il ne trouve pas les mots. Est-ce qu'on peut... Ça vous dérange pas, c'est juste qu'on ferme la porte. Oui, je suis désolée. Ouais, les enfants. Il n'y a pas de soucis. Hein. Merci. Alors du coup, on va faire phrase après phrase. Ouais. D'accord. Si tu veux, il parle en arabe, comme ça il va très bien vous expliquer. D'accord. C'est-à-dire كيفاش بدات, كيفاش عرفتك السيد, كيفاش داوك السيد, كتعمل لنا كومور tu as connu l'intermédiaire et tout. C'est ça. Si tu veux, bien sûr, sinon tu continues. D'accord. Non, ok. C'est comme toi, tu préfères. Alors qu'il parle, c'est... Je parle en arabe. Il parle en arabe parce qu'il ne peut pas, il n'arrive pas à suivre. D'accord. Alors, quand il fait une phrase, est-ce que tu, après je peux te demander la traduction? Oui, moi je traduis. D'accord. Voilà. Vas-y. T'inquiète, t'as d'abord, habbes. Oui, ok. Ça, il est ferme. On était quatre. انا خاطيتني في لافير سي صحابي هما اللي خلصوا عليا كيما يقولوا اي نيت اي نا ريان باي دو سا بوش سي سي كوبان كي لو اون باي لو فواياج كومبيان سا كوت 15 مليون 15 مليون 15 مليون 15 مليون سي 1500 يورو 1500 يورو سي سا Pourquoi il n'a rien payé? Pourquoi ils te l'ont offert, tes amis? Parce que c'était leur pote et puis ils ne voulaient pas le laisser tout seul ici. Donc ils lui ont payé le voyage. Et pourquoi toi tu étais prêt à partir, à faire ce voyage si tu n'avais pas de problème? Ben c'est mon rêve. اخترت انا من البكري نبغي لوروب كنت باغي نروح لوروب وما حكمتش كيما يقولوا il voulait partir en Europe parce que il en avait marre de ce pays il voulait à tout prix payer partir en Europe parce que c'était un rêve c'était un rêve de partir pourquoi l'Europe c'est un rêve ben انا ما عندك aucune chance كيما يقولوا خدمت partout je pour faire l'avenir ما درتهاش هنا كيما يقولوا في لوروب بالك Donc il dit que il veut aller en Europe pour tenter sa chance parce qu'il croit dans sa tête que ici il y a rien, il y a pas d'avenir. Même si tu travailles ou tu as un travail, tu as un boulot, d'autres, mais tu n'arriveras jamais à faire un avenir. C'est-à-dire te marier, avoir une maison, avoir une voiture, tu ne pourras jamais faire quoi que ce soit. Donc partir tenter sa chance ailleurs, c'est ce qu'il souhaitait. Tu avais un travail à l'époque, tu faisais quoi en 2006 avant de partir? J'étais un chauffeur dans une société plutôt. Et tu gagnais pas bien ta vie? Oui, un petit peu. Tu gagnais bien ou pas bien? Pas bien. Alors vous avez pris un GPS, vous étiez quatre, non? Là, on était 64 personnes. Ça fait le boulot, attends. Qui fait le boulot? C'était prévu 64 personnes. Mais chez 14 ou 15 On a 14 ou 64 personnes. D'accord. Alors, on lui a présenté un ami qui s'est chargé d'organiser le voyage. On était 14 pour aller. Donc, ils étaient 14 pour embarquer, pour partir. Et après, من جل البابور كما نقولوا كلش. لقينا روحنا 64 personnes. Au départ, c'était prévu que l'embarcation allait porter 14 personnes, c'est-à-dire 14 candidats à l'immigration. Mais en fin de compte, ils sont retrouvés avec 64 candidats lorsqu'ils allaient embarquer. Sur la même barque? Sur la même barque, oui. Pourquoi il y a eu autant de monde finalement? Je sais pas, l'artère qu'on a beaucoup de la clientèle, parce qu'ils liquident comme ils disent. Ils s'en foutaient, ouais. Le truc, celui qui était censé organiser le voyage, ils s'en foutent éperdument. L'essentiel qu'il a des candidats, il le paye, et puis ils s'en foutent du nombre. Qui organisait? Ben, un des les intermédiaires, bzaf houa le. بصح اللي اورغانيزا الفوا شكون هو؟ ما نعرفش اسمه بصح قضبوه كما يقولوا. قضبوه؟ علاش وقلع معاكم؟ لا ما راحش معاه. ما راحش معاكم. سي الحراقه هما اللي جبتوه. لو ريسبونسابل سولي كي ايتي سونسي بريباري الفواياج اي تو، il était anonyme، il le voyait pas، il y avait toujours des intermédiaires. Mais il dit que ils l'ont arrêté par la suite les services de sécurité. C'est ça. Et toi tu avais pas les moyens de payer tout seul ton voyage? Non. Ton travail de chauffeur, ça suffisait pas? Ça suffisait pas, ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, vous êtes parti une nuit, comment ça s'est passé le début du voyage? La mer était agitée. On a resté à l'Andalous, Khzanna. Ils étaient cachés au complexe des Andalous, là, à Unter. 10 jours. Ils étaient cachés, 10 jours. 10 jours, après... Ils ont loué un bungalow au complexe des Andalouses et ils se cachaient là-bas. Pourquoi ils vous avaient attendu 10 jours? 10 jours, la mer était agitée. La mer elle était agitée. C'est-à-dire les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes pour embarquer. Mmh. Ils attendaient les conditions favorables. Mmh. Ils étaient obligés de louer un bungalow sur place. D'accord. C'est ça. Les 4, mais qu'on n'est pas fait. Ils n'étaient que 4. Ils étaient que 4 qui ont loué le bungalow, c'est-à-dire ils attendaient les conditions favorables. Et finalement, donc à un moment, les responsables, enfin les intermédiaires, ils ont dit c'est bon aujourd'hui, la mer elle est bonne, on y va ce soir. Ce soir, c'est ça. Il y avait eu plusieurs tentatives avant. Vous aviez essayé d'abord. Si tu me rappelles l'homme s'il touche. Non. D'accord. Non. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Bon, عيطلنا par téléphone, خطر خلينا une puce, طفينا كاع les puces تاعنا. Ils ont éteint toutes les télé, ils ont laissé qu'une seule ligne téléphonique fonctionnelle, une seule puce. Ils ont éteint tous les téléphones, les autres téléphones, parce qu'il leur a dit de laisser qu'un seul téléphone en marche. Il les a appelés au téléphone. Il leur a dit le lieu de rendez-vous c'est Bousfer, à côté des Andalous. À côté des. Et après, jusqu'à minuit. Alors ils ont resté à Bousfer jusqu'à minuit. On a 14 personnes. Ils étaient 14 personnes qui sont arrivées à Bousfer. Mm-hmm. Ensuite, au fur et à mesure que le temps passait, il y avait d'autres candidats qui arrivaient. Et après, on a parti à Cap Falcon. Ensuite, ils sont partis vers Cap Falcon. Mm-hmm. C'est toujours la côte d'Inturk. C'est-à-dire il y a le complexe des Andalouses, l'Ansor, le Bousfer, et là c'est Cap Falcon. Et vous étiez à pied? Non. Non, en bateau. Ils ont vous étiez combien dans loué le bateau? Un minibus. Ah, vous n'étiez pas dans le bateau? Non, ils n'étaient pas dans le bateau. C'est un petit village, mais c'est un village côtier. Mm-hmm. C'est-à-dire il était sur la côte. D'accord. C'est mais le déplacement qu'ils faisaient la nuit, c'était sur un mini-car. D'accord. Et alors, une fois arrivé à Cap Falcon? À Cap Falcon, on a Kimigoulo traversé le Jebel. Yeah. Jusqu'à la côte de Tahta. Alors, en arrivant à Cap Falcon, le minibus s'est arrêté sur la bordure de la falaise. Ils sont descendus par la falaise jusqu'en bas, là où il y avait l'embarcation qui les attendait. C'est ça. Et nous avons attendu presque une demi-heure. Ils ont attendu une demi-heure sur la plage. Après. Sur la crique, plutôt. On va être là, non? C'était presque minuit 10, minuit et quart. Donc à minuit 10, minuit et quart, ils ont pris le départ. Vous étiez 14? Non. 64 sur le bateau? Sur le bateau, et c'est ça. C'était prévu à 14 au début. C'est 63 Haraga plus le... Le passeur. Le passeur, c'est ça. C'était quoi comme bateau? C'était un grand bateau? Qui va y avoir le gagnant? Floca. Salut, je suis Asrer. C'est sardinier. C'est le genre d'un sardinier, quoi. Le galion, galion, ça s'appelle un galion. C'est une embarcation en bois de 3 mètres, 4 mètres. Ah oui, 3 mètres, 4 mètres. Oui, 4 mètres maximum. Et vous êtes tous rentrés, les 63? Les 63. Et toi, t'avais préparé quoi? T'avais quoi sur toi? T'avais des affaires? T'avais envie oui. de quoi? Il a acheté des trucs neufs. Jean, une veste, un tricot. Il a acheté des habits, tout neufs. Ouais. C'est ça. Vous aviez un GPS? Oui. Là, c'est qui me dit le guide ou les canards de GPS ou quoi? Les canards de flou. Les canards de flou. Celui qui dirigeait la barque, c'est lui qui avait en sa possession le GPS. Vous aviez à manger, à boire? Chacun pour soi, chacun avait ramené ses trucs, ses vêtements, sa nourriture. C'est ça. T'es aussi dit le maclamac. Ben, du fromage, ton galette, du jus. Ils ont pris des galettes, du thon, des fromages et du pain. Et du jus. Oui, c'est ça. On t'avait dit que ça durerait combien de temps? T'avais prévu de. 14 heures. 14 heures de traversée. Oui. Alors, comment ça s'est passé? On a pris que Kimigolo Trekta Lekot, à la Bouzajar. Parce qu'ils ont démarré, ils ont pris le chemin de la côte. C'est-à-dire, ils sont partis c'est-à-dire en suivant la côte, jusqu'à Bouzajar. Jusqu'à Bouzajar, Bouzajar, Bnesav, Bnesav, jusqu'à Razawet. Jusqu'à Razawet. Oui. Alors, ils sont partis par la côte, jusqu'à Razawet. Mm-hmm. C'est-à-dire, Razawet, c'est le dernier point. C'est pratiquement la frontière de l'Algérie. De la côte. L'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire, c'est la dernière frontière entre le Maroc et l'Algérie. Mais c'est-à-dire, c'est le point le plus proche. Elle était 6 heures du mat. Qu'est-ce que tu fais, Razawet? Oui. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, maintenant, le 7. Donc, ils sont partis par la côte. Ils ont pris le départ à minuit et quart, à 7h du matin, 7h15. Ils étaient à Razawet, c'est ça? C'est ça, là, au large. Au large? C'est en face de Razawet. Ah d'accord, c'est-à-dire en arrivant à 7h15, ils ont pris déjà le large vers l'Espagne. Mm-hmm. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont arrivés à Razawet, le dernier point de l'Algérie, ils ont dévié vers l'Espagne, d'accord. Cap vers l'Espagne. C'est ça. Après, on a vu une ampoule rouge, Fulpar. Lorsqu'ils naviguaient au large, ils ont aperçu qu'il y avait une ampoule toute petite, rouge. Saksina le guide, Gunala Hadekshkoun, Gana Stambador, Adekhal Razawet, le port de Razawet. Ils ont demandé au guide, c'est qui ça? Ça veut dire quoi l'ampoule rouge là-bas? Il leur a dit que c'était un bateau qui allait rentrer accosté à Razawet. Et c'était la vedette. La vedette à l'égard-côte. Alors, est-ce que, en fait, tu peux dire la phrase et après, toi, tu traduis quand il a fini la phrase, si ça ne te dérange pas. Oui, comme d'accord. Ça, je vais prendre le son et à chaque fois. Right, est-ce que tu peux redire les gardes-côtes que c'était le bateau des. Bon, s'il te plaît. Merci. Oui, il n'y a pas de problème. Saksina, le guide, Gunala, qui a une ampoule rouge au fond. C'est qui ça? Gunala, c'est un bateau qui est derrière le Razawet. Le port à Razawet. Après 15 minutes, voilà, avec le bateau Ken Morana, c'était la vedette, les gardes des côtes. Donc, lorsqu'ils étaient au large, ils ont aperçu une lampe rouge qui clignotait. Ils ont demandé au guide, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lampe rouge qui clignote. Il leur a dit, il n'y a pas de problème, ça, c'est un bateau qui rentre, qui va accoster à Razawet. Mm-hmm. Après un bon bout de temps, ils se sont aperçus que c'était la vedette des gardes côtes parce qu'elle s'est rapprochée de l'embarcation. Ils ont remarqué que c'était les gardes-côtes qui venaient de les intercepter. Les gardes-côtes algériens ou marocains? Non, algériens. Algériens. Algériens, oui. Ensuite, les cordes, ils ont attaché le bateau Alors, lorsque les gardes-côtes se sont rapprochés, ils ont mis leur embarcation, c'est-à-dire mitoyenne avec leur embarcation. Ils leur ont jeté les cordes, ils ont attaché l'embarcation, puis ils leur ont demandé de monter sur la vedette. Ils les ont mis dans des cellules. C'est ça. Des cages, c'est comme des cages. Ils les ont enfermés dans la vedette. T'as eu peur? Non. On était presque 64 haraga, on a demandé qu'il me goulou, nada normal, rachwa. Tenaham rachwa pour 80 millions, ma brav chez Talgona. حبس كاتتهم مرة شوية كنتوا رابطين دراهم معاكم كنا رابطين وعطيتهم دراهم سوق بلاص لا ما عطيناهمش ما بغاوش وي alors lorsqu'ils les ont interceptés ils les ont embarqués sur la vedette ils ont attaché leur embarcation avec la vedette ils ont voulu leur donner de l'argent les corrompre quoi D'accord. Pour quoi? En contre pour quoi les lâcher. Les laisser. Pour les, laisser pour les relâcher. Pour qu'ils voulaient repartir vers l'Espagne. Ils leur ont proposé, je sais pas, 80 millions. 80 millions. Ils leur ont donné 80 c'est millions parce 8 000 que. 8 000 euros. 8 000 euros. Par personne? Non. Non. Il y avait les 64 personnes qui ont. C'est-à-dire, ils ont ramassé, ils ont fait une cotisation, ils ont ramassé 8 000 euros. C'était pour corrompre le capitaine de la vedette, le capitaine des gardes-côtes. Et alors, vous aviez l'argent? Dans la pénurie de compte. Oui, bien sûr. Vous en fait, c'est vous qui avez proposé aux gardes-côtes de l'acheter? Non, c'est eux qui ont voulu les corrompre en leur demandant l'argent. Et vous leur avez donné? Non. ما اختار ما قبلوش ما بغاوش بصح دراهم هما هما طلبوا لكم دراهم ولا نتوما حنا طلبنا لهم دراهم باش يطلقونا سما نتوما قلت لهم نعطيو لكم دراهم وا سي لي حراقة كي اون بروبوزي دو لارجون بور كي لو لي ريلاش سو اون مير ايز اون با فولي لا لا صحه ميرسي عطيه ماما ان جي ولا انا اخرى زيدت اوبليجي نحل لوبيتال ميرسي ميرسي نو تو دير مونش بوا حاب عندك نجي لك نولي صح داكور اكيد شاويش داكور Alors c'est les Haraga, ils ont fait une cotisation, ils ont proposé de l'argent au capitaine de bord, chose qui a refusé, d'accord. Les relâcher, d'accord. Ni de prendre l'argent. Et alors après? Ben down à Waran, le port à Waran. Ils ont accosté à Oran, ils sont rentrés à Oran directement. Du large, ils ont pris directement le poste de contrôle là, des gardes-côtes. C'est de la vedette. Parce qu'elle appartient au poste de contrôle à Oran. Okay. Donc ils sont rentrés directement. C'est ça. Sem'ouna, khallouna tamma, kul wahed sem'ou. Sem'ou comme tamma les gardes-côtes. L'armée. La marine. Ouais. Donc, lorsqu'ils sont rentrés, c'était la marine. Ils les ont entendus sur PV. Mm-hmm. Ils leur ont fait chacun un PV et ils les ont entendus. Mm-hmm. Ils ont établi des PV et tout. Après, on a les gendarmes de l'Ayoun. Puis, ils les ont transférés à la gendarmerie de l'Ayoun Turc, la corniche. D'accord. À Oran? Ah non, à Oran, oui. Okay. C'est toujours à Oran, oui. Et après, on a 64 harragas, on a fait 64 harragas à la caserne. وين كي بداكم الجدرميه للعيون واه تما فركتونا داروا 20 24 في العيون وحنا 20 في بوسفر لا كازيام تاع بوسفر و 20 وخدوخرين في العنصر Donc lorsque la procédure au niveau des gardes-côtes, ils ont établi des PV et tout, ils étaient obligés de les transférer à la gendarmerie nationale. À la gendarmerie nationale, vu que le nombre il était très important, 64, ils n'ont pas pu les exactement. Ouais. Alors ils les ont éparpillés en trois groupes. Il y avait un groupe qui est parti à la caserne de l'Ansort, la gendarmerie. Ouais. Il y a un deuxième groupe qui est parti à Einturk. Mm-hmm. Il y a un troisième groupe qui est parti à Bousfer. D'accord. Là où il était Amin. Ok. Puis Bousfer, on a gardé qui m'écoule 6 jours. À Bousfer, ils sont restés 6 jours. C'est chez les gendarmes qui m'égoulent. C'est Lona. Oui. C'était en prison? Oui. Ils sont restés 6 jours en garde à vue. Dans les cellules, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de faire toute une enquête. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir le filon, quoi. Du réseau. Le filon du réseau, exactement. Ils voulaient tenir les responsables. D'accord. Parce qu'ils savent que ce n'est que des candidats. Mais eux, ils veulent faire une enquête approfondie pour tenir La marine. Parce qu'ils sont rentrés à la caserne de la marine, des gardes-côtes. Ils leur ont pris leur argent. Ils avaient des euros. Tout le monde avait des euros. Est-ce que tu peux le dire? Mikon l'armée, fait le port. داونا قاعد رهمنا تاع كيما يقولوا لي كانوا عندنا لورو وكلش قاعد داوه هنا كاين دينار ثاني كلي داوه لهم دونك لا ماجوريتي دي كانديدا افي دي زيرو سور او ils leur ont confisqué les services des gardes-côtes de la marine nationale et puis il y avait même des candidats qui avaient des dinars ils leur ont confisqué aussi toi Galaxy Z par exemple tu avais des euros sur toi non c'est كيما يقولوا صحابي هو اللي كانوا عندهم كانوا مستقلين C'est ses potes qui sont chargés. Ils lui ont payé le voyage et puis ils lui ont dit que c'est nous qui sommes chargés de toi. On va arriver en Espagne. Et vous emmeniez combien d'euros par personne? On emmène combien? On avait 900 euros. Par personne? Non. Les quatre. En tout? Non, le groupe de 4, parce que c'est ses amis, c'est ses potes. Ouais. Les quatre amis à lui, c'est ses potes. Ils avaient 900 euros sur eux. On était 4, les groupes qui m'égoulent. C'était pas groupe. Quand c'est le Wery, quand le Satatouane, quand le Planteur, quand... Donc il dit que lui, il connaissait que ses 4 potes. Les 64, les autres, les autres candidats, il ne les connaissait pas. Ouais. D'ailleurs, tout le monde ne connaît. Il y avait des groupes de 4, 5, 2, 3 personnes. C'est-à-dire, c'est tout. C'était des groupes qui se formaient, de 2, 3 personnes. Eux, ils étaient 4, qui se connaissaient. Ouais. Et alors après, vous êtes resté en garde à vue pendant 6 jours. 6 jours. Le 6e jour, on a la justice. On a 2 mois de habs. Alors là, après le 6e jour, ils les ont transférés à la... prison ? Non, la justice, ouais. Pas les justices. Pas les justices. Pas les justices, ouais. ils sont passés au tribunal, le juge les a condamnés à 2 mois de prison. Ferme, oui. Et alors, tu es allé en prison ? Oui, bien sûr. Dans le camp procès ou dans le camp procès ? Oui, t'as 5000 dinars. Ils leur ont fait des contraventions de 5000 dinars, c'est-à-dire des contraventions, c'est en des plus, amendes. En plus, oui. De la prison. En plus. Ouais, en plus le prison. Et c'est la première fois que tu es allé en prison ? Oui. Comment tu as vécu ça ? Foutna hakim yqoulek alhamdoulillah. Ils ont passé, c'était des hauts et des bas, mais ils l'ont passé quand même. C'était dur, mais ils l'ont passé. C'est ça. Et alors, t'as pas voulu repartir après ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens, ou comme ils disent que c'était comme 2 mois, comme 4 ans ou 5 ans de prison. Le juge les a menacés, il leur a dit que cette fois, on va faire avec vous les circonstances atténuantes. Quoi. Mm-hmm. Vous avez pris pour 2 mois, mais la prochaine fois, si vous allez récidiver, vous allez prendre pour 4 ans, 5 ans. Ah ouais. Donc c'était un peu dissuasif. C'est dissuasif, il n'a pas voulu tenter. وكانوا كاينين معنا في الجروب تاني كاين واحد اللي خرجوا من الحبس عندهم كيما يقولوا حرفه بغى واحد يدير كوافير ما عطاوهش على جال من وسخوا له كوارطه تاع الحبس وكانوا خد اخر تاني بغى يدير لاغريمون تاع طاكسي تاني ما عطاوهش زعما ضيعوهم تاع بصح كيما يقولوا il a dit que parmi ses amis parmi ses amis اللي كانوا مع ceux qui étaient avec lui. Il y avait des types, lorsqu'ils sont sortis de prison, après avoir purgé leur peine de 2 mois, ils sont sortis. Il y a quelqu'un qui voulait faire coiffeur, voulait faire un métier d'artisan. Ils lui ont refusé parce qu'il avait son casier judiciaire qui était sale. C'était mentionné sur son casier judiciaire qu'il a fait de la prison. Donc on n'a pas pu lui accorder. Puis un de l'autre, il a voulu avoir un agrément pour faire taxi. On lui a refusé aussi. Alors tu vois le paradoxe. Et toi, tu as eu des problèmes après ? Non. انا كيما يقولوا عاود خدمت جي ريبروني عند خالي على خاطر سيتي مون اونكل اللي كنت نخدم عنده وعاود رجعني نخدم وراني نورمال كيما لوي il n'avait pas de problème pour réintégrer son travail du moment que c'était son oncle il travaillait chez son oncle donc il n'a pas eu de problème mais les autres candidats ont eu beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas pu réintégrer la société en fin de compte parce qu'il y avait leur casier, parce qu'à chaque fois ils demandent leur casier judiciaire. Comme le casier judiciaire il est mentionné que c'est un candidat à l'immigration clandestine, et ben les foutus. Tu étais marié quand t'es parti ? Non. Non, d'accord. Ah, tu peux l'éteindre. Hein. Je sais pas. Ouais, t'appuies sur le rouge longtemps. Désolée. J'ai réussi. Et est-ce qu'on pourrait revenir quand vous êtes parti en mer ? Est-ce que t'as eu peur à un moment de la mer ? Non. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Il y a des gens qui. Là. كان كالم وكما يقولوا كنا خايفين من البرد بصح كان نورمال الحال صحي كما يقولوا الحموان تاع الموتور وكلش كنا زعما غايه لا بليبار دي كما يقولوا الجورنال وقيل سيتي لو كوتيديان هو اللي قالهم بلي كتبوهم مراد وطايحين اون بان وكلش وحنا كنا نورمال سيتي با فري. Alors il dit que du moment que la mer elle était calme, ils n'avaient pas vraiment peur. Ils avaient peur un petit peu du froid parce qu'il faisait un peu froid. C'était l'hiver, oui. Comme la mer elle n'était pas agitée, elle était calme, donc ils étaient un petit peu rassurés. Ils ont écrit sur le journal Le Quotidien que les gardes-côtes ils les ont trouvés dans un état lamentable. Il dit que c'est pas vrai. Ils ont écrit sur le quotidien qu'ils les ont trouvés dans un état lamentable, malades, et puis déshydratés, et tout. Il y a des candidats qui me disent que les gardes du corps sont en train de se faire. Ils ont été, il dit aussi qu'il y a des candidats qui ont été volés par les gardes-côtes. Mm-hmm. Du moment que y a les candidats arrivaient au poste, la caserne des gardes-côtes, ils leur ont pris leur argent. Il dit aussi qu'il y a même des copains qui ont leur appris même les effets personnels. Mm. Soit l'homme, c'est ça. Alors, vous n'avez pas eu peur, mais j'imagine que quand vous êtes rendu compte que c'était la vedette des gardes-côtes, ce qui allait arriver, vous avez été déçu à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Que je tous les gardes côtes qui viennent d'Akiva. Ça y arrive, n'abliera n'a pas de moulin le bled. Ah, il dit que lorsqu'ils ont compris que c'était les gardes côtes, la lampe rouge s'approchait. Lorsqu'ils ont compris que c'était les gardes côtes, alors là, il y avait le rêve qui est parti à l'eau. Ils savaient qu'ils allaient revenir à la caisse départ. Et t'avais conscience quand même en partant que ça pouvait être dangereux pour toi? Il y en a qui ont disparu, qui ne sont jamais revenus? Bien sûr, c'est-à-dire, lorsqu'ils allaient prendre le départ, ils étaient très contents parce que c'était une aventure qu'ils allaient vivre. C'était une aventure, bon, c'était la mer et tout. Mais ils avaient un petit peu peur. Mais ça valait le coup de partir parce que c'était une aventure à vivre. Et puis, ils n'étaient pas très conscients du danger. Mm. Parce qu'ils prenaient ça à la légère. Parce que c'est entre copains, ils riaient et tout et tout et tout. Mais lorsqu'ils sont partis à la gendarmerie, lorsque les gardes-côtes les ont transférés à la gendarmerie, là, ils leur ont montré des photos des gens qui ont été des haragas qui ont été rejetés par la mer, des cadavres. Ils ont montré les cadavres en photo. En photo, oui. Ouais. Alors là, il a dit que là, on a pris conscience du danger. Ils ont dit hamdoullah qu'on est sorti sain et sauf. Hamdoullah, parce que ça veut dire Dieu merci. Dieu merci. On est sorti sain et sauf parce que les photos qu'on leur a montrées, c'était des photos horribles. C'était insupportable. Et quand t'es parti, tu l'avais dit à quelqu'un, ta famille, elle le savait? Non, personne. Et comment tes parents, ils ont réagi? Bon, comme je disais, ils ont pris ça très mal. Et puis, ils ont réagi très mal. Plus de portable. Puisqu'il n'y avait plus de signe de vie, puis il avait éteint son portable. Mm. Donc, il n'y avait pas moyen de le contacter. Genre. Mais ses parents n'étaient pas au courant. Mm. Lorsqu'ils ont appris le départ, ils ont pris ça très mal. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Ben, حوسوا لي حتى اللي عيطوا لهم لي جوندارم وقالوا لهم باللي ولدكم راه عندنا رانا قاعد بينا في لا جوندارمري. C'est ça. باش عاد تما ريحوا شافوني. Ils ont cherché après lui, puis lorsqu'il n'a pas donné signe de vie et tout, ils ont compris que il a pris le départ. Parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient. شحال قعدتوا باش الدار عرفوكم لي جوندارم شحال قعدوا باش عيطوا؟ 2 jours plus 3 jours, ça fait presque 13 jours. 13 jours باش عيطوا للدار؟ لا 10 jours اللي كنا خازنين في زندالوس. في زندالوس ما كانش على بالهم كانوا يحوسوا عليهم. دونك بعد كي زادوا كبدوكم لي جوندارم شحال قعدتوا باش عيطوا لداركم؟ presque 3 jours. Le troisième jour كانوا عندي. Donc lui, lorsqu'ils sont partis aux Andalous complexe, ils ont loué le bungalow, ils ont éteint le téléphone. Donc ses parents, ils l'ont cherché pendant 10 jours. Ils n'avaient pas donné signe de vie. Ensuite, il y avait 3 jours en plus lorsqu'ils ont été pris. Donc en tout, 13 jours sans nouvelles, que sa famille le cherchait. Au 13e jour, la gendarmerie, ils ont appelé ses parents. Ils sont venus pour le voir. Et après, justement, au moment où tu les as vus ou quand tu es revenu à la maison, vous en avez reparlé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu es parti en prison, on n'est pas revenu à la maison. Ouais, mais à un moment, j'imagine que vous en avez parlé avec tes parents. T'en as jamais plus reparlé avec tes parents? Non. Ses parents n'ont pas évoqué le sujet de l'immigration, c'est-à-dire est-ce que tu vas repartir ou non. Ils n'ont pas tiré le sujet. Juste, sa mère, elle a demandé qu'est-ce, comment tu as passé la prison, comment que ça a été, que maintenant on t'a bien traité, on t'a pas bien traité, qu'est-ce, comment que tu as fait, comment, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Mais sur le problème de est-ce que tu vas repartir et tout, ils n'ont pas discuté sur ce sujet-là. Et ils n'ont pas voulu savoir pourquoi tu étais parti. Ils ne se sont pas sentis mal de se dire peut-être notre fils il est malheureux. كما يقولوا انا عارفيني باللي كنت من البكري نحوس باش نروح لفرنسا سي سا ses parents savaient très bien que dès le jeune âge je voulais partir en France donc ils savaient très bien que à la moindre occasion j'allais partir mais t'étais faut être un peu désespéré pour partir quand même pour prendre la mer comme ça ça dit باش تركب في البحر وتروح لازم تكون كاره تشرب تكره ربي حياتك باش تركب وتروح pourquoi tu peux expliquer un peu t'allais après تروح ça dit exactement allez je vais تروح. Qu'est-ce que tu ressentais quand t'es parti? Qu'est-ce que tu ressentais en Algérie avant de partir? Ben, qui me dit l'Algérie, ma, j'ai travaillé فيها عند روحي, j'ai travaillé عند البراني, j'ai travaillé عند les familles qui me disent, ما درت والو في هذه الألجيري. أنا قلت أو موا كي نلحق لوروب, حاجة الأولى كنت باغي ندير لازيل. كنت باغي نروح لألمان, كنت باغي ندير لازيل. خاطر عندي لا بليبار تاع صحابي سي كاع تما في الألمان دايرين لازيل. Alors il dit que même j'ai travaillé à mon compte, j'ai travaillé chez mon oncle, j'ai travaillé chez l'État, j'ai travaillé un peu partout. J'ai même travaillé à mon propre compte et je n'ai rien fait. C'est-à-dire l'aboutissement était, j'aboutissais toujours à zéro. Donc je voyais qu'il n'y avait pas de perspective. C'est-à-dire ça ne valait pas le coup de rester ici. Donc j'avais décidé de partir et j'avais une idée en tête, c'était de partir en Allemagne et faire l'asile politique. L'asile politique. Il voulait s'installer en Allemagne. Parce que mais qu'est-ce que ouais. Tu avais des amis en Allemagne. Allez, pourquoi tu as choisi l'Allemagne? Alors, هما على حسب اللي كانوا يحكوا كيما يقول لك زعما هما اللي كانوا باني يدبروا عليا تما. شنو هما الجماعه اللي كنت رايح معاهم؟ لا اللي كانوا تما في الألمان جماعه الاخرين كانوا رايحين لا يا بابا كانوا رايحين لتولوز عند خالهم وانا ثاني عندي خويا تما بصح ما بغيتش نروح بغيت نزيد نطلع. Lui, il dit que son groupe avec qui il était, ils allaient sur Toulouse parce qu'ils avaient de la famille là-bas et tout. Comme aussi lui, il a son frère qui est à Toulouse. Mais lui, il avait programmé dès le départ de partir à Toulouse. Puis il avait programmé de partir en Allemagne parce qu'il connaît des gens là-bas qui lui ont suggéré de faire l'asile politique. C'est-à-dire, c'était mieux. En noir, clandestin, à Marksev, norme la police, retard l'Allemagne, à toque carta, je te mets presque 6 mois. D'accord. Donc il dit que il avait programmé de partir en Allemagne, faire l'asile politique, parce qu'en Allemagne, il dit que les gens qu'il connaît là-bas lui ont assuré que une fois arrivé en Allemagne, il fait l'asile, il partira au camp, puis après, ils vont lui délivrer une carte provisoire. Ce n'est pas une carte de travail, mais une carte de circulation provisoire de 6 mois. C'est ce que les gens de là-bas lui ont d'accord. expliqué. Donc il partait par cette idée-là. Ouais. De partir en Allemagne, partir au camp, s'installer au camp, demander le refuge politique et avoir des papiers provisoires. Comme ça, il n'aura pas des guerres pires lorsqu'il voit la police. Ou le... Mais c'était pour aller en France à la fin ou non? C'était l'Allemagne. C'était l'Allemagne. Tu voulais habiter en Allemagne. Ouais. Et tu as toujours cette idée en tête ou... خطرات تجي وخطرات نعاود نقول لا نولي انا كان زعما ندير فيزا ولا نروح يا با بروبليم فيزا درتها بليزيغ فوا وعطاوني الروغري بصح زعما هاد الخطره راني معول مع راني نخدم غادي يديروا لي لاسيرونس وكلش راني داير باش نعاود ندير لا دوموند تاع الفيزا درتها قدام نورو شتاوها لك وي alors il a fait de plusieurs demandes de visa et elle a été rejetée. Lui, il dit si je vais être régularisé, je vais régulariser les papiers de mon travail et tout, je vais renouveler la demande de visa. Parce qu'il dit si je vais avoir mon visa et tout, c'est-à-dire réglo, je vais partir. Je ne reste pas ici. Mais ça, c'est depuis que tu es revenu, tu as fait plusieurs demandes de visa ou c'était avant? Non, avant. Avant. Oui. Et depuis, tu en as refait des demandes de visa? Non, mademoiselle. قلت كيما يقولوا حتى نسقط كوارتي كاع لو دوسي تاعي باش يقبلوني. Il dit que qu'il doit faire un dossier en bonne et due forme. Comme ça lorsqu'il va transmettre le dossier à l'ambassade, il va pas être rejeté. Est-ce que tu connais c'est toi qui tu nous en as parlé mais tout à l'heure j'ai vu dans un article aussi sur les harga les paroles d'une chanson qui dit je préfère être mangé par les poissons que, que je, le, c'est quoi cette chanson on en a, je... C'est pas toi qui nous en a parlé? Non, d'accord. Alors je reviens. Il dit que qui me dit qu'il y a كوني الحوت وما يكونيش الدود. Tu peux le dire hein. Et qui me dit qu'il y a كوني الحوت وما يكونيش الدود. Je préfère que les poissons me mangent que les vers. Les vers, oui. Les vers, c'est ça. Oui. Et soit c'est ton cas? Non. Tu veux pas mourir. C'est difficile à comprendre pour nous pourquoi les gens y parlent, parce que toi tu disais que tu avais un travail, alors peut-être que c'était peut-être pas un travail qui te rendrait riche, mais qu'est-ce que tu pouvais pas faire? C'était vraiment un problème d'argent parce que tu peux pas habiter tout seul. Qu'est-ce que tu pouvais pas faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire aujourd'hui que tu crois que tu aurais pu faire en Allemagne? C'est des gars que tu as l'âge que tu es en Allemagne. C'est des gens qui sont en Allemagne. Ou je suis en Allemagne. هنا حاجه الاولى قول لهم الضرب اللي راه يدير 350 مليون هذه حاجه الاولى قال لك سي لا بروميير دي شوز تو بورا جامي افوار اون ميزون باسكو ان لا ديرنيير دي ميزون الفي 350 مليون دونك سي ان تروك ا ني با اي بونسي ميم با. Et est-ce qu'il y avait autre chose à part l'argent? Parce qu'il y a des personnes qui nous ont parlé de, voilà, de mal vivre, mal être. D'avoir plus de liberté. D'autres raisons que l'argent. Il y avait ou c'était ben le but tiré pour dire qu'il me goulou situation out notre zaman pour bridge quoi de fil allemand, c'est à dire il voulait partir en Allemagne, c'était juste pour faire une situation. Si tu veux faire une situation, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir de l'argent, puis rentrer au bled. Il revient ici. N'avait pas l'intention de rester définitivement en Allemagne, de faire sa vie en Allemagne. Okay. C'est à dire c'était pour un certain pour une durée bien déterminée. Avoir beaucoup d'argent que lorsqu'il va rentrer en Algérie, il peut se permettre une maison. على خطر ديجا راه برسك وقيله واحد الان سيمان ولا راني رايح بالك نسكن في سيد الهواري. خلصت 300,000 في واحد الدار وهذيك الدار غادي يخرج فيها شومان تاع طريق غادي يبنوا طريق هاد ليامات وراني باغي نروح تما نقعد انستالي تما لو طون لي فوتو لي رونسينيمون هادوك وكلش باش يرشيو وكنحسب لك سي سا. وقال لك يعطونا دار في برسك وقيله في لي زاندالوس باش او موا خير من الدار اللي راك رايح ليها السيد الهواري. سيدي روين ولا سي كوا؟ سيدي روين. دونك il dit il va vous citer un exemple là de concernant les trucs de logement. Il dit qu'il va partir à Sidi Houari. Sidi Houari c'est le vieux bâti. D'accord. C'est l'ancien, c'est le truc ancien, c'est comme la Casbah à Alger. Puisque à Sidi Houari, il y a des bâtiments qui sont abandonnés. C'est des trucs qui sont normalement détruits. Il va habiter là-bas. Comme ça, lorsque les services du recensement vont passer, ils vont le recenser. Ils vont le recenser. Là, il y a une possibilité peut-être qu'ils pourront lui donner un appartement. Ils pourront le loger aux Andalouses, radiateur en fait les Andalouses. C'est ça. Et t'aimes quand même ton pays? Tu l'aimes quand même? Ben, bien sûr. Parce qu'ils me disent que les gens de l'Hukam ne sont pas bien. Mais les gens de l'Hukam ne sont pas bien. Il dit que son pays, il est très beau, il aime beaucoup son pays, mais les dirigeants politiques, il les aime pas. Parce que c'est... Ils lui ont donné aucun droit. Et ils ne donneront jamais un droit à qui que ce soit. C'est ça. Tu penses jamais? Toi, tu n'as pas d'espoir là-dessus? Non. J'ai pas d'espoir. Qu'est-ce que tu penses que les dirigeants pourraient faire pour stopper le phénomène des haragas? Il faudrait tout changer ou il faudrait... زعما باش الناس يوليو ما يروحوش ويحرقوا سا يعطوهم حقهم. لا بليبار تلقى واحد جاي من الغليزان، تلقى واحد جاي من تيارت وخد اخرين ساكنين هكا في الجبل عطاوهم. وهنا ولاد البلاد عنده 28 عام 29 عام ما عطيناش مسكين دار، يقعد يقارع هكا باش يتزوج وباش يدير. Il dit qu'il y a des injustices là parce qu'il y a des gens qui viennent de la périphérie, ils viennent d'autres wilayas comme Tiaret, Khalizan et tout. Surtout dans la période là où il y avait le terrorisme. Il y avait des gens qui sont venus d'un peu partout. Ils se sont installés, ils leur ont donné des logements, ils leur ont donné des lots de terrain et tout et tout. Il y a des gens qui habitent ici à Oran pendant 30 ans. Pendant 28 ans et pendant 30 ans, ils n'ont rien reçu. Alors comment expliquer un homme ne peut pas... Si on n'a pas de logement, on ne peut pas se marier, on ne peut pas fondre un foyer, on ne peut rien faire. Donc c'est l'injustice totale. Habite chez tes parents ici. Et tu conduis toujours dans l'entreprise de ton oncle, tu travailles. Je suis représentant de cosmétique. D'accord, représentant cosmétique. Et on t'a déjà reproposé de repartir ou de retenter l'aventure? Pas أبار حرقة زعما كي نو صافي ما تحكيش معاه قالوا لك نعاودو نحرقو ولا نعاودو نروحو أبار لوي كل ما يجوني يقول لي نروحو نو ما يمشي اه سي توا اون فيت نو مو جو دي بليز اون فيت سي توا جو لو فوات على لا روج لوي دي اون فا بارتير دومان il me dit d'accord demain on part. Donc toi ton but ça reste de partir mais avec un visa officiellement pour revenir après. C'est ça. Pour mieux revenir. D'accord, ça arrête. Adjirifocus.com, votre devoir de savoir, notre devoir de vous informer.